الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في الخطبة الماضية ذكرنا شيئا من القضاء والقدر داخلا في الدعاء، والدعاء داخلا في القضاء. La semaine dernière, on avait évoqué, on avait parlé un petit peu, on avait commenté un petit peu de la prédestination, avec un petit peu de l'invocation, avec aussi un petit peu de cause et de conséquence. Et on avait dit que la cause et la conséquence, comme la dua, n'allait pas à l'encontre de la prédestination. Et donc on avait évoqué que le prophète alayhi salatu wa salam, عندما كان مريضا كان يدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء ويتسبب لذلك فيأخذ الدواء ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، وهذا من الأسباب اللازمة. Et ça, ça fait partie des causes. On avait dit que le prophète عليه الصلاة والسلام, puisque le prophète عليه الصلاة والسلام c'est notre exemple et c'est le seul et unique exemple qu'on doit suivre, il lui est arrivé d'être malade et de faire les causes. Les causes, c'est de prendre le médicament et de demander la guérison à Allah subhanahu wa ta'ala. On vous avait cité aussi un exemple de deux personnes qui avaient la même maladie et qui étaient allées voir le même docteur, et que le même docteur avait donné le même traitement. Au bout de 15 jours, un il est guéri et l'autre il est mort. واحد مريض شاف طبيب عطالو العلاج شرب ريح وبرا، والاخر ثاني نفس المرض نفس الطبيب ونفس العلاج 15 يوم بعد توفى الله يرحمه، لان الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. واحد تسبب والاخر تسبب، واحد مات والاخر حي، ان سي دي سي دي ان كي ريستي فيفون، الامر بيد الله سبحانه وتعالى. ف سو سون دونك لي شوز دالله سبحانه وتعالى، سي لي كي ديسيد. فو تو سي، on te demande de faire, tu fais les causes. Le reste, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. هو الاشترى فيكم يحب. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Toi, tu t'es vendu à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne t'appartiens même plus toi-même. Tu appartiens à Allah subhanahu wa ta'ala. Tes richesses appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ton épouse, elle ne t'appartient pas. Tes enfants, ils ne t'appartiennent pas. Zoujtek, ma fille, zoujtek. Ou les deux, comme je suis avec. Amana. Rabbi, khalahumik, amana. Tahfad alayhum. Enta mesoul ala zoujtek, ou mesoul ala ouladek. Kema al mara mesoul ala ouladaha. Soit tu es responsable de ta femme, et tu es responsable de tes enfants. Comme? Vous n'entendez pas là? Chouf, on a tous les réglages, madame. Vous avez branché les basses là-bas? نعم نعم، كنا توقفنا فيما قال في عمر رضي الله عنه قال: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديزي Il s'énervait contre ces gens-là qui restaient à la mosquée et qui priaient toute la journée sans aller travailler. Et il disait, Omar, que personne ne reste assis à un talab al-rizq en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de le pourvoir dans ses biens. Wa huwa yaqul, Allahumma arzakhni wa qad alima anna as-sama'a la tunfiru dhahaban wa la fidda. il sait que le ciel ne fait pas pleuvoir ni de l'or et ni de l'argent. Et il reste à demander, ya Allah, et il ne bouge même pas. L'islam ma rabbana jadak ne se casse pas dans le masajid. Ou la fil bouyout ou ma l'achadmouch. L'islam ne c'est pas comme ça qu'il nous prêche. Et c'est pas comme ça qu'il nous éduque. L'islam ne forme pas des feignants. Rjal ou ansa. Des hommes et des femmes. الزل مش يخدمه انت يبقوا في بيوتهم يرب اولادهم الاجيال اذا مش صح خفايه يغمني لا سوبيسونس على الميزون الى فما الغاسه على الميزون en train d'éduquer les générations à venir اما المراه اللي كل يوم تهمل لبرا اليوم في مع على بالي شوين في اوشان وغدا في كارفور وغير غدا في برانتون وكل الهملات لا مسكين الراجل يجي عيان من الخدمه يا مرة وش طيبت اليوم؟ راني عيان اليوم ما طيبتش. طيب يصبر عليها. غدا من ذاك يا مرة وش طيبت لنا اليوم؟ طيبت لك البيض. ايش هذا؟ ايش هذا؟ هذه مرة هذه؟ لان toute la journée il travaille dans le chantier, il rentre à la maison le soir fatigué, quand il demande à son épouse qu'est-ce que tu nous as fait à manger aujourd'hui, la soirée, j'ai rien fait, je suis fatigué. Bon, il laisse passer une journée, il dit d'accord, elle est peut-être fatiguée. Deuxième jour qui vient, alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à manger? Ah, j'ai fait des œufs. Ah, non, ils vont me le dire. Moi, je vais faire les œufs. Ah, subhanallah. La femme, elle a un rôle aussi à jouer à la maison. Elle a un rôle très important. Les femmes, il ne nous a pas éduqués pour qu'on soit des feignants. Que ce soit l'homme ou bien la femme. La femme, elle est à la maison, elle s'éduque de sa génération. Et les générations à venir, les enfants qui vont venir. Et le mari, il travaille, il va faire les courses au marché. Il dit le khodra, où est-ce le goffa? Où est-ce le goffa? Il va chercher les légumes et les fruits et la viande et le pain et tout ce que la maison, la femme elle a besoin dans la maison. Anna où est-ce que ça l'a fait à l'Hadash? Où est-ce qu'elle est le martre de sortir de sa voix? Là. On va t'en regarder où est-ce qu'elle est le marché où est-ce qu'elle est. Et tu ne peux même pas savoir ce qu'il y a dans le marché. أبغض البقاع إلى الله هي الأسواق لمحشي الشياطين عمرة تماك احرز وحل عينيك فتنشوا السكفات الشيطان يتخضل لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تنفر ذهبا ولا فضة ورب قائل يقول إذا كان الدين يدعو إلى الأخذ بالأسباب لتحقيق النتائج فما الفائدة إذن من الدعاء وهو أقوال والأقوال لا تعطي نتائج كما هو معلوم. Il y a des gens qui peuvent se poser la question qui disent oui mais attends notre religion elle nous incite elle nous pousse pour travailler et dans tous les domaines le khadma c'est dans tous les domaines le travail ça peut être dans les études ça peut être dans la technologie ça peut être dans l'industrie ça peut être dans tous les domaines ما الفائدة الدعاء ليش ندعو والدعاء غير كلام. Pourquoi on doit invoquer alors que les invocations c'est que simplement des paroles. Oh Allah de nous, oh Allah permets-nous, oh Allah, etc., etc. Ce sont que des mots. Qu'est-ce qu'on répond à ce genre de personnes? Hada sahih, c'est vrai, tu as raison. Mais dans quelles conditions tu as raison? لو كان دعاء الإنسان للإنسان مثله أو كان لمخلوق مثله في العجز والاحتياج سواء كان ملكا مقربا أو رسولا مرسول. Ça c'est vrai, on va répondre à ce genre de personnes là. Si je te faisais une dua, si tu demandais à toi de me donner, ou si toi tu me demandes à moi de te donner, à quelqu'un qui est impuissant, c'est vrai le résultat, il n'y a pas de résultat. Tu demandes mais il n'y a pas de résultat. Mais là tu es en train de demander à ton Seigneur. Rabbil alamin. Rabbil alamin, les khaza'in tawu'u mamlu'a. Les coffres d'Allah subhanahu wa ta'ala sont pleins. Il a yomina. On avait donné des exemples jusqu'à aujourd'hui. Les gens ils demandent à Allah, ils demandent à Allah, et Allah il donne, Allah il donne, Allah il donne, et les coffres d'Allah subhanahu wa ta'ala sont encore pleins. C'est comme s'il n'y avait jamais rien qui manquait dans les coffres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, zéro club. Demande, n'aie pas peur de demander. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu as besoin. Et chacun de nous, nous avons besoin. Mais si je viens et je te demande, toi tu viens, tu me demandes, tu demandes à aussi un faible, ou un impuissant, ou un incapable, qu'est-ce qu'il va donner? Il ne va rien donner. Na'am. هذا صحيح لو كان دعاء الإنسان للإنسان مثله أو كان لمخلوق مثله في العجز dans l'insuffisance ou l'incapacité والاحتياج dans le besoin سواء كان ملكا مقربا أو رسولا نبيا. Même si c'est un prophète envoyé. Un prophète envoyé pour rien faire pour toi. لا يملك خزائن الله. Un prophète il ne peut rien faire pour toi. Le prophète il est là pour t'annoncer une bonne nouvelle. Ou bien s'avertir d'un châtiment. C'est ça le travail d'un prophète. Le prophète il vient pas avec des tours de passe-passe et puis il fait sortir là. Il dit bah, basse, il dit urbalek, hal aynik, hal jannah, hal nar. Voilà le paradis, voilà l'enfer. Na'am. أما القضية هنا فدعاء الإنسان لربه تبارك وتعالى وعمل الرب تبارك وتعالى يختلف عن عمل الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء. Ce que toi tu demandes à ton Seigneur et ce que Allah سبحانه وتعالى donc te donne, Allah سبحانه وتعالى يعطيك بسبب دعائك, هذا يختلف عن عقلك. ما تنجمش تتنبأ الأمور. Pourquoi? لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. لازم نفهم هذه النقطة. أنت راك تدعي رب العالمين كلام ولكن الله سبحانه وتعالى يعطيك على حسب كلامك هذا. كيف رب يعطيني رغم دعيته؟ كيف؟ ما تدخلش هذا الباب. ما نغونت با دون لو كومون دي شوز. كومون الله سبحانه وتعالى إلى جي؟ سنوتي با دوموندي. سنوتي با دوموندي دو سافوار كيف ربي يدير. المهم ربي دار. الحمد لله. أنت راك مريض, يا ربي شفيني, يا ربي شفيني, ربي يشفيك. ما تقولش كي تا ربي شفاني. ليسونسيال سي كو ربي شفاك. هذا هو المطلوب. أما حنا نحبوا ندخلوا في أمور لا تعنينا. نو نبي غونتخي دون دي ديسكسيون كي سون لوان دو نو إي كي نو غوغارد با. الله سبحانه وتعالى يفي لي شوز. وأحيانا تطلب رب العالمين ورب العالمين ما يستجبلكش في الدنيا. دي فوا تي دوموند الله سبحانه وتعالى, الله سبحانه وتعالى إي نو تيكزوست با دون الدنيا. مي إي تا برومي تيكزوستي. Il t'a promis de t'exaucer, pas dans le dunya, dans l'akhira. Il te l'a réservé pour l'ukhra. Comment ça te prouve qu'il fait, ya Rabbi, ou ana abdouk, ou la malade pour ana amatouk? Qui fait, ya Rabbi, ana rani gharim de l'akhir? Ou alaykhina Rabbi y'alam? Rabbi ala balu khir ta'ak warra? Rabbi ala balu? Ou sana ala balu, ou bana Rabbi irzoukik, bel haj li sibtha, ou hiyat kun madarra lik? Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala t'exauce la chose demandée, c'est un mal pour toi. Mais comme tu l'as été impatient, comme si tu étais impatient, là il t'a quand même donné. Il t'a fait voir qu'il y avait un mal derrière. Et après tu regrettes, vous lui quand rire, arrête ça avec des gamins, nous sommes chargés de l'alamin. Si j'avais su, je ne demande même pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, tu étais empressé, tu étais pressé. Aucun besoin de faire le connaître. Ou est-ce qu'il y a des mâchoirs, la chorée de Zawouj, la chorée de Safir, la chorée de Kamel Lokraya, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont fait le rabbi l'alamin, ou bien d'un qui a rabbi mes stages de l'homme, ou un rabbi mes stages de l'homme, ou il y a des filles. Et il commence à philosopher. ليس كمثله شيء. rien ne ressemble à Allah سبحانه وتعالى. rien n'est tel qu'Allah سبحانه وتعالى. tout ce qu'on connaît d'Allah سبحانه وتعالى, on en connaît le sens. le comment, Allah أعلم. ولا نتدخل فيه. الكيف لا نتدخل فيه. إياكم والدخول في الكيف. faites attention de ne pas rentrer dans le كيف. le كيف c'est le comment des choses. ça ne t'est pas demandé. Allah subhanahu wa ta'ala il ne va pas t'interroger sur le comment. Il ne va pas te dire pourquoi tu ne savais pas comment était telle chose ou telle chose. Na'am. هذا وجه. ووجه آخر هو أنه من المشاهد المحسوس أنه ليس دائما توصل الأسباب نتائجها. كما أقول هذه أحيانا الإنسان يدير يتسبب والنتيجة ما كان والو. ما تقلقش يا عبد الله. ما تقلقش. أنت تسببت. توكلت على الله. قلت بسم الله توكلت على الله وديرت هذيك الحاجه اللي حبيت تديرها, ما تقلقش على النتائج. Toi tu as fait les choses. Tu as fait ce qui était en ton pouvoir, en ta capacité. Tu fais les choses. Le résultat, s'il est là, alhamdulillah, il n'est pas là, ma tatqallaq. Il ne faut pas être dégoûté de la chose. Il y a parmi nous des gens ici, ce sont des commerçants. Est-ce que si je leur pose la question, tous les jours vous faites le même chiffre d'affaires? Ils vont me dire non. Parce que qu'est-ce que Allah, risque à Allah. Toi, tu remplis ton magasin de marchandises, tu ouvres le matin à 9h ou à 8h, je ne sais pas, tu fermes ton magasin le soir, quand tu comptes ta recette, aujourd'hui tu vas trouver 2000 francs. Demain tu vas trouver 5000. Après demain tu vas trouver 500 francs. Après demain tu vas trouver 10 000. On risque à Allah. Pourtant la marchandise, elle n'a pas bougé, elle est là la marchandise. Elle attend que ses clients. On est qu'il risque à Allah. وترك سبب انت تعطي لي كوز الحمد لله سيسكي تدموني ما شي قاعد في دارك كل ما حال مفكر وتقول بوه شحال درت اليوم درت شنو درت صفر اجوردي تعطي زيرو اجوردي يعني سي نورمال فقد يسافر تاجران الى بلد واحد وكل منهما يتمتع بمثل خبرة صاحبه في التجارة وفي نفس المقدار المالية ونوع التجارة ومع ذلك يأتي أحدهما رابحا والآخر مفلسا فما هو سبب ذلك؟ تقربوا إلى الأمام بارك الله فيكم تقربوا إلى الأمام غفوا شبوا في تسيغ الإيران جزاكم الله بخير Deux commerçants, ils voyagent, ils vont faire leurs affaires dans un pays différent, ils ont la même somme d'argent. Un, il vient, mashallah, il a fait des bonnes affaires, l'autre, il a perdu dans ses affaires. Pourtant, ils avaient la même chose. Mais c'est comme ça. Rizqu ala Allah. Na'am, wa lakin tasaddabu. Ils ont fait sabab. Wa hada huwa al-matloub. Na'am. Wa qad yazra' al-fallah, al-ard. Ou bien le paysan, l'agriculteur, il va travailler sa terre. Wa yahusuha. ويسمدها حسب الطرق الفنية. Et il va faire en sorte qu'il va planter les graines de façon à ce que les oiseaux, là, les corbeaux et tout ça, ne viennent pas lui abîmer sa plantation. Il va mettre l'engrais. Il va faire attention, tu vois. Il va faire en sorte de faire bien les choses. ولكن الأرض ما عطت والو. La terre, elle n'a rien donné. Pourquoi? Parce que بيد الله. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ربما راكم تقولوا اللي الدرس هذا بالك ما مش من نتيجة. ربما راكم تقولوا مازال ما فهمناش من البدايه ويحكي الامام ما فهمناش ممكن بتات فو فوزي لا كيسيون مي اتون il est en train de nous parler de doua et là il est en train de nous parler du commerce il est en train de nous parler d'agriculteur il est en train de savoir à quoi oui savoir à quelque chose si on a compris que Allah subhanahu wa ta'ala خلق كل شيء si on a compris que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toute chose on le sait maintenant donc on revient un petit peu en arrière on a laissé l'invocation de côté on revient à l'histoire de la création Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose il a donné à l'homme لأن كل حاجة اللي رانا نشاهدوها للإنسان tout ce que vous voyez sur terre c'est pour toi que Allah il a créé tu crois les a créé comme ça gratuitement كل ما خلق الله لك يا عبد الله ويا أمة الله tout ce que tu vois sur terre c'est pour toi d'accord on a vu le début de la création là il a créé toutes choses et tout ça il nous a créé il nous a donné alors maintenant qu'on sait que les choses elles sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala à qui on les demande à qui on les demande Puisque maintenant, alhamdoulilah, on a compris qu'Allah il a créé toute chose. On les demande à Allah, subhanahu wa ta'ala. On vous a cité quelques exemples d'un malade qui va voir le docteur. On vous a cité l'exemple de celui qui est commerçant, qui a fait les causes. On vous a cité l'exemple que celui qui est fermier, agriculteur, il a fait les causes. Pour nous faire voir dans différents domaines que malgré tu fais ce que tu fais, al-amru biyadillah. Malgré ce que tu fais, ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, il y aura. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas, il n'y aura pas. Toi, il te demande de faire la cause et de demander de faire la doua. Naam. Ici, donc, on a dit, après donc, que le fermier il a choisi les meilleures graines, il a travaillé sa terre, il a fait ce qu'il avait à faire, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, résultat, il y a ou il n'y a pas. D'accord. Quand il y a le sabab al qita' al matar, mais le sama, il a demandé, mais il n'y a pas eu la pluie. Il a demandé, mais il n'y a pas eu la pluie. C'est pour ça qu'il n'a rien récolté. Ou bien des fois, il va te dire, « Hel nuzul al-matar bi-iradatihi am bi-iradatillah ?» Là, tu lui réponds. Tu lui réponds, « Est-ce que maintenant la pluie, la descente de la pluie, c'est par ta volonté toi, ou c'est par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala ?» Tu vois ? Donc ici, qu'est-ce qu'il avait besoin de le fermer ? Il avait besoin justement de demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, la descente de la pluie. C'est pas simplement il a mis et puis il est reparti. Il demande. C'est ça d'abord. بدعائه. وبعبارة أخرى هل نزول المطر مسيرا أم محيرا؟ Est-ce que la descente de la pluie مسيرا من أمر الله ou bien tu as le choix toi? C'est ça qui programme la pluie. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه عقيدة. C'est vrai que les khutbas qu'on fait sur la dua, on répète des fois des choses, on répète des mots. On amène des choses nouvelles. Pourquoi? Parce que la dua en elle-même, غير dua wahda, هي الدين. Il doit faire la dua هي الدين, rana faire la din ta'na. Si on a compris que l'invocation c'est la religion, en elle-même, on a compris notre religion. Mais si à chaque fois l'imam il dit une chose et après on dit ouais, mais à chaque fois il se répète, il dit toujours la même chose, on commence à s'enlacer, c'est que tu n'as pas encore compris ta religion, mon frère. C'est que tu n'as pas encore compris ta religion. أما تحب نحكي لك على مشاكل الدنيا، مشاكل الدنيا رانا شدنا منها. Tu veux que je te raconte les problèmes de la vie? Les problèmes de la vie, on a déjà les cheveux blancs. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 jours, 30 jours sur 30 jours et 1 an sur 1 an, on est dans le mashakil ta dunya. Ou l'imam est dit pour le minbar, ou il y a quelqu'un dans le mashakil dunya. Eh, mashallah. Mais pour revenir à la mashakil dunya, on a dit que je suis pas de mouche. Je ne sais pas si la mashakil dunya. Mashakil dunya, on a dit que je suis pas de dunya. Mais je ne sais pas si je suis pas de dunya. Je ne sais pas si je suis pas de dunya. كيف نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى نتقرب إلى الجنة ونبتعد من النار nous ce qu'on raconte sur le minbar c'est pas les problèmes de tous les jours de la vie quand je vous parle des problèmes c'est vrai il y a des problèmes qu'il faut qu'on ouvre mais je vous raconte pas moi les problèmes des gens qui ont fait des problèmes avec leurs mains et ils veulent qu'on les aide à ouvrir ces problèmes là Rabbi Gélom attention le prophète a dit Gélom attention et moi Gélom non mais Ma'alish on est en l'an 2000 il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Après qu'il n'est pas tombé sous grâce, il y a des gens qui y sont. Ana mahkilak al hadith qarbak ila Allah subhanahu wa ta'ala. Je te rappelle, c'est un rappel. Ce rappel, c'est quoi? C'est ce qui va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui va te rapprocher du paradis, c'est bien fait. Ce qui va t'éloigner de l'enfer. On a des cœurs, je ne veux pas dire qu'on a des cœurs morts. Le qulub ta'ana ma'ish meita. Ragda. Nos cœurs, ils sont endormis. Et ils ont dormi déjà depuis longtemps. Il faut un petit peu les réveiller. Gloubna mardut, nos cœurs ils sont malades. Ils sont malades d'écouter n'importe quoi. Ouad al-imam, c'est ouad al-jama, d'ailleurs, quel m'a fait qu'il t'a dit, mais il y a fait. Un imam dans une mosquée, il faisait des dorous, il faisait pas le khutbah de Jumu'ah, il faisait des dorous, et il commence à raconter les problèmes de l'association de la mosquée. Il faut pas donner à cette association, il faut pas les aider, il faut pas ceci, il faut pas cela, il faut pas ceci. C'était un barra. جبال برا ليش تحكي بهذه الامور كيسكو لي جون دون سافوار لي بروبليم دو لاسوسياسيون انتيريور سا سي لاسوسياسيون او سان لاسوسياسيون جبناك باش تدرس الناس باش يتعلموا دينهم ولا باش تحكي بوليتيك والسياسه ولا ما على باليش سبحان الله لا اله الا الله لا يمكن لعاقل أن ينفي إرادة الله عز وجل في تسيير الأمور ذلك وقد يكون عند الفلاح بئرا يفكر cet agriculteur il a tout ce qu'il faut il a un puits il a un moteur un mazout pour sortir son eau et puis faire les causes et faire les causes et à la fin résultat ça donne rien du tout c'est pas grave comme on vous l'a dit dans la début de la khutba l'essentiel c'est que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala et tu attends le résultat il va venir bi'idhnillah na'am وقد تنزل أمطار غزيرة من السماء ورغم ذلك لا يظهر الزرع كما هو يشاهد أحيانا فما هو سبب لذلك et des fois la pluie elle descend la pluie alhamdulillah elle est venue elle a demandé la pluie est venue et une fois de plus la plantation n'a rien donné الأسباب il les a fait ولكن الله سبحانه وتعالى il a pas voulu lui donner c'est الله سبحانه وتعالى ولا بد لذلك من سبب هنا قد يقال أن هناك حشرات دودية أو عاصفة ثلجية أو موجة ريح عاتية جارفة أو موجة برد هائلة ça ce sont des causes ce sont des causes il se peut que c'est normal ça n'a rien donné ça c'est l'aqlaniyoun الذين يتكلمون هكذا ceux qui travaillent avec leur esprit qui ne pensent pas à Allah subhanahu wa ta'ala vont tout dire c'est normal ça se trouve il y avait des vers de terre ils ont mangé les graines il se trouve que c'est à cause du vent le vent il était trop fort ça a fait partir les graines dans un autre bled ceux qui avaient de la neige elle a tué les graines. Tous ce sont les gens الذين لا يتوكلون على الله. الأسباب. Des fois quand tu vois des tremblements de terre, il y en a ils vont te dire oui mais les tremblements de terre c'est normal. Ça c'est la terre qui bouge qui rencontre une autre terre donc ça fait un tremblement de terre. Alors les volcans c'est normal parce que la terre elle a chauffé et alors elle a explosé. Ils remettent rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils remettent rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, on le remet toujours à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. On le remet à quoi? À Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend, c'est Allah, ça vient d'Allah. Non. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم تستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أنا بعد. Donc celui qui vient et se dit oui mais ça cause de telle chose, ça cause de telle chose, c'est le temps qui a fait ça, les tempéries, la pluie, la neige, le verglas, les oiseaux sont venus, ils ont picoré, les vers de terre ils ont tout mangé, etc. etc. Ils en remettent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ce sont des gens qui ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, en bas tu verras qu'il te préserve et il protège tes biens. Il préserve et il protège tes biens. Na'am. ولكن يرد هذا السؤال عليه لماذا حدث في هذا العام ولم تحدث في العوام السابقة. Alors on va lui répondre pourquoi l'année dernière, alhamdulillah, on a eu notre récolte et cette année on n'a pas eu notre récolte. Pourquoi l'année dernière on n'a pas dit c'est les tempérures, le temps qui a fait ça, ou là les oiseaux, bien les vers de terre, et cette année on doit dire ça. Alors quand tu es bénéficiaire, tu es content, tu dis alhamdulillah, mashallah, et quand tu es en perte, ça y est, ça peut être très simple. Tu commences à philosopher avec toi-même. Tu oublies que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pourvoit et qui donne. Cette année-là, il n'a pas voulu te donner. Il n'a pas voulu te donner. Il y a un bien dans toute chose. Alhamdulillah. Lâche tes chevilles. Lima ta chevilles. نعم ومن المعلوم أن هذه حوادث وهي لا تحدث بذاتها إنما بإرادة خارجة عنها حسب القاعدة المنطقية لا بد لكل حادثة من سبب. Ça c'est une règle à savoir, mais nous on n'est pas vraiment pour cette règle qui te dit à chaque cause conséquence, ou bien à chaque conséquence c'est qu'il y a eu la cause. ولكن الله سبحانه قادر. Allah سبحانه وتعالى قادر, il est capable. Sans cause, il fait les choses, Allah subhanahu wa ta'ala. Bidun an yakul ala kul, litakun hadhihi al-haja. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de dire kul, il n'a pas besoin de dire soit pour que cette chose elle soit. Allah, quand il désire une chose, il veut une chose, elle est là, cette chose-là. Na'an. Wa min al-mashahid, annahu laysa hunaka iradatun asma min iradatil insan min al-makhlouqat. Il faut comprendre une chose, c'est que la volonté, il n'y a pas sur terre une volonté qui est plus forte que la volonté de l'homme. Sur terre. Mais on sait que la volonté d'Allah est au-dessus de toute volonté. Mais va comparer un homme avec un animal. Va comparer un homme avec une plante. Va comparer un homme avec un poisson. C'est ça que ça veut dire. Mais bien sûr, on ne compare pas l'incomparable. On ne compare pas Allah aux créatures faibles. D'accord ? Il ne peut rien faire, l'homme. Malgré ça, il ne peut rien faire. Naam. ولما كان الإنسان لا يستطيع أن يفعل هذه الحوادث ويردها فلا بد أن يكون الخالق الجليل هو الذي صنعها وهذا الإدراك لا شك سيكون دافعا للإنسان أن يزداد يقينا بقدرة ربه تبارك وتعالى على خلق الأشياء النافعة. Et ça c'est la conclusion de notre khutbah d'aujourd'hui. C'est quoi la conclusion de notre khutbah d'aujourd'hui? C'est que maintenant qu'on a su que c'est Allah qui est capable de créer toutes choses, et que toi, tu ne peux rien faire, malgré ta volonté, tu demandes à celui qui a créé ces choses-là. Tu demandes. Si on a compris que la demande, elle ne doit se faire qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a tout compris aujourd'hui. Et qu'on arrête de demander à n'importe qui. Qu'on ne demande pas à des morts. On n'a pas, nous, fait à l'Islam général, le culte des morts. On ne demande pas aux anges. On ne demande pas aux génies, encore moins les génies, a'udhu billah, rabbi ahfadna. On ne demande pas. Wa'adhi rahit yis'al al-jinn. C'est le nom qui s'est réveillé. Allah est choisi de sort. Mais non. On demande ça. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اشف قلوبنا. اللهم داويها يا رب. اللهم اشف قلوبنا من هذه الأمراض الفكريات والأمراض النفسيات وكل هذه الأمراض يا رب العالمين. اللهم بيض قلوبنا. اللهم بيضها. اللهم طهرها من النفاق والفسوق والفجور يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان ويزنه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإخوة والأخوات وجميع المسلمين يا ربي. اللهم اجعلنا نحب بعضنا بعض. اللهم اجعلنا نحب بعضنا بعض. نشدوا يدنا يد في اليد قل تعاونوا على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان اللهم احشرنا في زمرة الصالحين إنك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أرنا في أعدائك عجائبك وفي أعداء الدين عجائبك وقدرتك في أقرب وقت أرحم الراحمين هم هبلونا والله هبلونا على كل حال اللهم أخذهم في أقرب وقت اللهم نزل رحمتك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.